Leçon 1, page 54, activités 2 et 3, piste 41. Hugo, qui est-ce? La fillette juste devant toi? C'est Anne-Vi, papa. C'est une camarade de classe. Oui, papa. Elle est vietnamienne. Elle est avec nous depuis 2 semaines. Nous sommes petits tous les trois, tu vois.